Mesdames, messieurs, les disjockeys bâchent de retour. Après les succès imprévus du titre It's My Life, on dit merci à tous les autres disjockeys pour la coopération fantastique. Un merci particulier à MBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande, répétez encore une fois. I'm coming for you.